lors de l'émission sur Georges Remeau. Bah, il est 1h30. Bon, ton émission sur les morts vivants. T'as pas plus intéressant que les zombies, les morts vivants. Parce que les morts vivants, il y en a partout. Moi, je vois partout. Je suis un vivant mort. Mais moi, les morts vivants. Bon, c'est pas grave, c'est bien quand même. À quoi on reconnaît une grande émission du service public ? Au fait qu'elle a droit à des rediffusions et que ce soit toujours aussi intéressant. Merci pour votre émission. Oui, bonjour, Valérie de Paris. J'écoute France Inter toute la journée, mais là, blockbuster, je bloque un maximum. Rihanna, aujourd'hui, on touche le fond. On a eu Mylène Farmer, Lady Gaga, X-Men, c'était gratiné aussi. Je sais pas si vous avez beaucoup d'auditeurs comme moi. Le présentateur est très sympathique, vraiment très sympathique. C'est pour ça que j'écoute, je crois. Mais franchement, on touche le fond, là. Merci, blockbuster. Au revoir. Salut Blockbuster, vous faites une émission sur Romero et sur les zombies, le soir où je vais finir Last of Us 2. Donc je pense que grâce à vous, demain, je me réinscris à la salle de sport et je me remets au cardio. Merci, merci. Oui, c'est Pierre, Roger. Les zombies, il y a une dizaine d'années, on m'a fait une réflexion. Le monde est zombique. D'abord, il est intoxiqué par toute la littérature, par les romans, les machins, plus la pub, plus tout ce qu'on voudra, quoi. Et plus l'astronomie, parce que c'est l'astronomie qui gouverne. Et donc, je lui ai dit, voilà, le problème, il est astronomique, c'est donc la fin d'un cycle solaire, automatiquement, le monde est zombie. Et voilà, les choses s'inversent et tout. Le monde d'hier n'est plus celui de demain. Allez, bonsoir, bon courage, et puis bon zombie. Allez, salut. Not to be. Rihanna a 32 ans. Je dis pas que ça me fait bizarre, mais quand même. 32 ans. À 32 ans, elle est aussi connue que Jésus à 33, mais avec des meilleurs choix de carrière. 32 ans. J'en ai 43, j'ai toujours pas mon permis. Rihanna a 32 ans, elle a déjà été chanteuse, actrice, femme d'affaires, styliste, mannequin. Mais comment elle a trouvé le temps de faire tout ça? Moi, j'ai même pas encore déballé tous mes cartons de déménagement et ça remonte à 5 ans. À 17 ans, elle était disque d'or avec son premier album qui s'est vendu à plus de 2 millions d'exemplaires. Moi, à 17 ans, je me demandais si je pouvais avoir un bac littéraire avec un 8 sur 20 coefficient 7 en philo. Vous moquez pas, hein? Vous faisiez quoi, vous, à 17 ans? Vous vendiez 2 millions d'albums? Eh ben non, bah voilà. Rihanna, elle a pas le temps. Rihanna, à mon avis, à sa naissance, elle est sortie du ventre de sa mère en marchant, en disant au médecin, c'est bon, vous dérangez pas, je gère. Hein. Je pense que c'est une question de génération. Dans l'équipe de Blockbuster, on a un stagiaire cette année, il s'appelle Tom. Un garçon génial, il est né en 2000. Pour lui, Rihanna, c'est déjà une vieille dame. Le gars n'a pas connu le Club Dorothée, il a pas connu la Coupe du Monde 98, il saurait pas quoi faire dans une cabine téléphonique. Mais le gars, il a déjà travaillé à la matinale de France Inter, il connaît tout le monde dans les couloirs, des fois Laurence Bloch, la directrice, lui demande à lui comment on s'appelle. À son âge, je retournais des steaks chez McDonald's et mon chef d'équipe m'appelait Tarek parce qu'il avait la flemme de faire refaire un badge à mon nom. Cette génération, c'est dingue, ils ont beau avoir un avenir de merde, ils ont une de ces confiances en eux. On n'aura peut-être pas de retraite, mais on a pris la confiance. Et ça commence de plus en plus tôt. Hein. Du coup, l'autre fois, j'ai réveillé mon fils de 10 ans en pleine nuit et je lui ai dit, d'ivoire, tu crois que Rihanna, elle dormait à ton âge? France Inter. Blockbuster. Juste ici, ça va. Frédéric Sigrist. I wanted to change the sound of radio in general. What's wrong with me? I'm going crazy now. Robin Rihanna Fenty, de son vrai nom, est la chanteuse solo ayant vendu le plus d'albums au monde avec 280 millions d'albums vendus depuis le début de sa carrière en 2005. Véritable phénomène de société, du haut de ses 32 ans, elle cumule des records sur des podiums où on retrouve habituellement que les Beatles ou Michael Jackson. En 2012, le magazine Forbes a fait d'elle une des quatre personnes les plus influentes de l'industrie du spectacle. Mais tous ces superlatifs ne doivent pas faire oublier que derrière ces chiffres se trouve une des artistes musicales les plus versatiles de sa génération. Hip-hop, dancehall, pop, R&B ou musique électronique, Rihanna a su piocher dans tous ces styles pour créer certains des morceaux les plus cultes de ces dernières décennies. Pour en parler plus en détail, j'ai avec moi la journaliste Christelle Murula. Bonjour. Avec nous également l'humoriste Tristan Lepin. Bonjour. Bonjour. Vous serez de retour sur scène avec Dépendance Affective le 22 octobre à l'Olympia, puis en tournée en France à partir de 2021 avec votre nouveau spectacle Irréprochable. Exactement, ouais. Avec nous, et je suis ravi de l'avoir de nouveau avec nous autour de la table, Kiémise, bonjour. Bonjour. Vous êtes autrice et poétesse. Tout à fait. Et avec nous également, un nouveau venu, mais ravi de faire sa connaissance, Abdelataya, bonjour. Oui, vous êtes moi. Romancier et cinéaste, et votre dernier ouvrage, La Vie Lente, a été publié aux éditions du Seuil. C'est ça, je ne me suis pas trompé. Non, autant sur le prénom, je me suis gouré, mais pas sur le reste. Abdelataya. Voilà, je le dirai bien maintenant. Ensemble, on va essayer de retracer le parcours de Rihanna, ses influences et son milieu d'origine. On essaiera de comprendre précisément ce qui plaît tant chez elle et ce qu'elle a apporté à la musique contemporaine. Enfin, on parlera également de la Rihanna militante et femme d'affaires qui a su créer en très peu de temps un empire qui ne dépend plus que d'elle. Allez, Blockbuster, 5e saison, épisode Rihanna, c'est parti. C'était Pawn the Replay de Rihanna. Alors, première question qui est mise. Que représente Rihanna en termes de vente d'albums au niveau mondial aujourd'hui par rapport à d'autres artistes? Ben, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est l'une des personnes qui a vendu le plus de singles sur la scène internationale et sur la scène évidemment américaine. Elle a notamment sorti les tubes qu'on connaît comme Work, qui était en collaboration avec Drake. Elle a sorti également elle a sorti de nombreux autres singles qui ont explosé les charts, et je pense que c'est une des artistes qui est incontournable en 2020. Et alors, d'où vient Rihanna? Quel est son parcours? Rihanna, en fait, c'est une jeune fille qui vient de la Barbade et qui sort au milieu des années 2000 le fameux Pomme de Ripley. À l'époque, c'est une jeune fille qui s'essaye au R&B avec un petit peu avec ses influences de son île tropicale. Et c'est quelqu'un qu'on assimile d'abord très vite, en fait, à une chanteuse de la pop. On rappelle que c'est au milieu des années 2000, Beyoncé est en train de prendre un petit peu beaucoup d'élan, et souvent au début on la compare en fait à une petite Beyoncé finalement. C'est seulement après qu'elle son talent, elle arrive en fait à se sortir de ce carcan, et elle arrive en fait à se créer cette image de marque qui est totalement différente de Beyoncé, mais je pense qu'on en parlera un petit peu plus tard. Oui, parce que forcément, on les oppose assez facilement. Tout à fait. Et dans quel genre de milieu a-t-elle grandi? Et là, je me tourne vers Christelle Murula. Dans quel genre de milieu a grandi Rihanna? En fait, Rihanna, elle est née à la Barbade. Hein, et elle avait deux frères et sœurs, je crois. Elle avait un père qui vendait des vêtements dans des marchés. Et elle aidait justement à les vendre. Donc, c'était pas forcément une enfance très aisée. Et en plus de ça, elle a été marquée par la dépendance de son père à la cocaïne et à d'autres drogues. Donc c'était vraiment un milieu assez compliqué pour elle. Oui, je crois que la mère de Rihanna a été victime de violences de la part de son père aussi. Et alors, vous avez tous les quatre des profils très très différents, mais vous avez cette passion commune autour de Rihanna. Donc expliquez-nous un petit peu pourquoi, Tristan. Moi, Rihanna, bah, moi, déjà, j'adore danser, j'aime bien la pop et tout, donc moi, à la base, j'étais vraiment très fan de Britney, et bon, Rihanna, je trouve que c'est un bon prolongement, voilà, et je la trouve, bah, je trouve qu'elle a, elle a ce truc déjà attachant, enfin, c'est une nana qu'on, moi, que j'ai vu débarquer quand on était, j'étais ado, donc forcément, on s'y attache, et puis c'est une nana qui avait un truc plus sage, qui est devenu plus carrément plus sexuel. Il y a eu tous ces trucs avec Chris Brown, donc elle a été une femme battue. Donc vous avez les yeux qui pétillent. Hein, quand ouais, mais parce que du coup, je trouve qu'il y a tellement de choses. Non, mais je trouve qu'il y a un storytelling comme pour Britney. D'ailleurs, je trouve qu'il y a un storytelling qui est tellement puissant que du coup, forcément, on s'y attache vachement, quoi. Donc ouais, moi j'aime bien. Puis maintenant, c'est cette espèce d'attitude, je fume des pétards partout. bon voilà, elle sort pas beaucoup de chansons en ce moment parce qu'elle est plus sur la lingerie, les petites culottes. Mais ouais, moi j'aime bien. J'aime l'attitude, ouais. Un peu désinvolte. Et vous, la rencontre avec Rihanna, comment ça s'est passé? Moi, ça correspond au moment où je suis arrivé en France. Donc, je suis là depuis 99 et Rihanna a explosé autour de 2005-2006. Et à l'époque, j'allais à une soirée gay à Paris, très importante, qui s'appelait la BBB, Black Blanc Beurre, qui avait lieu à Folies Pigalle ou après à pas loin dans une autre boîte. Et un jour, un soir, il y avait une battle entre Beyoncé et Rihanna. Et donc, c'est ce jour-là qui a marqué pour moi quelque chose d'une forme de rencontre comme ça, un peu peut-être improbable, mais qui était importante pour moi parce que la BBB était un endroit où il y avait des immigrés, comme ça, des Français qui avaient des problèmes avec la France, qui avaient des problèmes avec le fait qu'ils n'étaient pas totalement acceptés par la France. Et en plus, il y avait le problème de leur sexualité, de leur homosexualité. Le fait de se retrouver là à la BBB, Black Blanc Beurre, c'était chaque dimanche soir de 19h à minuit. Et j'ai vécu ce moment de battle entre Beyoncé et Rihanna comme quelque chose d'épique. Alors la question que je me pose, c'est qui a gagné ? Beyoncé, évidemment. Mais moi, je suis reparti avec un amour éternel pour la loser, Rihanna. Et peu de temps après, je me suis retrouvé sans l'avoir décidé à commencer à parler autour d'elle et à la suivre. À la suivre pour les raisons que je viens d'énumérer. Et en même temps, avec, évidemment, avec le temps, je me suis rendu compte qu'elle représentait quelque chose au-delà de mon attachement homosexuel pour elle, lié à la BBB. Alors, elle a grandi sur l'île de la Barbade, mais comment on passe d'une enfance passée là-bas à cette star mondialement connue qui truste les charts qui l'a repérée là-bas, qui est Miss? Je pense que Christelle Murula prend le relais. Il y a un passage de témoin. Je l'ai vu en direct. Non, mais elle est repérée par un producteur qui s'appelle Evan Rogers, avec qui elle avait un ami en commun à la Barbade. Et ce producteur-là lui fait signer une démo. Il l'amène à New York avec sa mère. Ils enregistrent pas mal de démos à droite à gauche. Et il la présente à Def Jam. Et Def Jam est dirigé par Jay-Z, justement. Et le jour où Jay-Z écoute cette démo-là, il tombe complètement sous le charme de Rihanna. Et le jour même, et ben, il lui fait signer un contrat et son premier album dans la foulée. Quoi. Alors, il faut bien se mettre dans la tête que c'est quasiment une enfant quand elle rencontre Jay-Z. Elle est toute jeune. Oui, elle est très très très très jeune. Ouais. Je ne sais plus exactement. Elles ont toutes commencé très très jeune. Mais oui, c'est Beyoncé ça. Et tout, oui, mais c'est-à-dire rencontrer Jay-Z et tout de suite avoir un titre comme ça qui truste les charts, il faut quand même avoir des épaules. Il y a plein de gens qui se seraient écroulés avant même d'avoir poussé une première note. Mais j'ai l'impression qu'elle est quand même très entourée par ses proches. Hein. Mm-hmm. Je pense que Christelle pourra en parler plus tard aussi. Mais je pense qu'elle est très entourée, notamment sa meilleure amie Mélissa, qui l'a suivie depuis des années. Je pense que c'est ce côté-là dont Tristan parlait aussi, très en fait la tête sur les épaules, mm-hmm. qui l'a fait aussi grandir, qui lui permet aussi d'être très versatile et qui l'a fait être aimée par de nombreuses personnes. Et je pense que c'est ça qui la permet aussi de pas exploser en cours de route, quoi. Alors on va continuer. C'est un peu un conte moderne. Il y a quelque chose de cet ordre. Elle est une jeune fille comme ça d'un milieu pauvre, il faut le dire, à la Barbade. Et tout d'un coup, elle croise quelqu'un qui connaît Jay-Z et qui l'emmène à New York. Tout d'un coup, elle est devant Jay-Z. Elle fait l'audition. Et il y a une rumeur qui est très persistante qui dit que c'est fait Beyoncé qui aurait vu cette audition, qui aurait dit cette fille, c'est une bête, c'est un monstre sacré, il ne faut pas la laisser partir avant qu'elle ne signe un contrat. Et c'est ce qu'a fait Jay-Z. Mais au-delà de tous ces détails qui sont très importants, il y a quelque chose de l'ordre, et c'est ce qui fait que peut-être qu'on s'identifie à cette fille, c'est on voit une jeune fille d'un pays dont on ne parle quasiment jamais, la Barbade, et tout d'un coup, elle est aux États-Unis. Non seulement elle est aux États-Unis, mais elle a l'intention d'envahir les États-Unis, de ne pas devenir justement une Beyoncé, de ne pas devenir une nouvelle Whitney Houston, ou ne pas suivre le même chemin de l'américanisation. Et je pense que c'est ça ce qui ne frappe et ce qui ne touche chez elle. C'est qu'il y a quelque chose de... Elle reste une fille de la Barbade qui envahit l'Amérique. Voilà, donc cette invasion de l'Amérique par la Barbade, c'est devenu un cours historique. On va continuer de parler de Rihanna, et pour le moment, on l'écoute bien évidemment avec Diamonds. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Fine light in the beautiful sea, I chose to be happy. You and I, we're like diamonds in the sky. You're a shooting star I see, a vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive, we're like diamonds. C'était Diamonds de Rihanna dans Blockbuster sur France Inter. What can I say? Please arrest. C'était un extrait de Work, le duo qu'elle a fait avec Drake. Évidemment, quand je dis elle, je parle bien évidemment de Rihanna. Je rappelle que vous pouvez nous laisser un message au 01 56 40 30 20 via notre répondeur sur le sujet du jour. Et nous sommes toujours avec l'autrice qui est Miss, la journaliste Christelle Murula, l'humoriste Tristan Lopin et le romancier Abdella Taïa. Donc en 2009, Rihanna est déjà première vendeuse mondiale devant, excusez du peu, Lady Gaga et Katy Perry. Et dans le milieu de la musique, arriver aussi vite dans le game et réussir à faire ses lettres de noblesse, c'est quelque chose d'assez rare. Je sais même pas si c'est même du déjà vu. Christelle Murula. Du déjà vu, je sais pas. Après, je pense qu'on peut quand même comparer avec l'arrivée de Beyoncé en solo, en tout cas sur la scène musicale. Il y avait eu les Destiny's Child voilà. D'abord. Ouais, il y avait eu un groupe pour préparer le terrain. C'est vrai qu'il y avait quand même eu un groupe pour préparer le terrain, mais en 2003, quand Beyoncé arrive, elle explose tout. Et j'ai un peu l'impression que Rihanna, en fait, elle a suivi à peu près le même chemin, en tout cas sur la route du succès, on va dire. Voilà. Et alors, on l'a vu précédemment dans la première partie, Beyoncé, via Jay-Z, est un petit peu la marraine aussi qui a permis l'émergence de Rihanna. Est-ce qu'en fait, il y avait cette idée de filiation ou de succession, ou c'était vraiment juste un complément quand Beyoncé a parrainé la carrière de Rihanna au départ? Ça m'intéresse parce que comme dans les médias, on les a souvent comparés et même opposés, on se rend compte dans leur histoire que finalement, non, il y a plus une entraide qu'un véritable affrontement. Ben après, je sais pas si on irait jusque de la filiation, parce que c'est vrai qu'elles sont quand même, enfin, elles sont assez rapprochées en termes d'âge, et c'est vrai que j'aime beaucoup cette histoire. Après, je sais pas si c'est vrai, et en plus, on les a quand même beaucoup opposées. Ensuite, elles, c'est vrai qu'elles ont fait en sorte, du moins récemment, d'apparaître un peu plus ensemble, notamment aller au concert de l'une et des autres, mais de là à parler de filiation, je sais pas. Surtout que Rihanna, je pense qu'elle a vraiment développé elle est allée dans une autre voie, ne serait-ce que de son image, qui fait aussi, je pense qu'il lui permet aussi de se dire, on va y parler d'égal à égal, en fait, finalement. Parce que maintenant, c'est un mogul, et puis elle a très ce que disait Tristan tout à l'heure, elle a ce côté un petit peu, je m'en foutiste, alors que Beyoncé, je pense que sa communication, du moins, le contrôle est beaucoup plus visible. Alors que Rihanna, moi, je pense que c'est aussi du storytelling. Elle a appelé sa marque de vêtements Savage. C'est du storytelling de se présenter comme quelqu'un de cool, de détendu. Mais bon, et je pense que parler de filiation, ça gomme le fait qu'en fait, maintenant, elles peuvent parler d'égal à égal, quoi. Elles peuvent parler d'égal à égal. En plus de ça, elles sont aujourd'hui, je trouve, totalement incomparables, en fait. Que ce soit d'un côté de l'image, comme tu l'as dit, Kémis, mais même d'un côté artistique aussi, où, en fait, moi, enfin, c'est mon sentiment personnel, mais j'ai pas du tout l'impression d'écouter la même chose quand j'écoute Beyoncé et quand j'écoute Rihanna, et ça, quels que soient les albums, en fait. Elles ont elles ont une fibre artistique complètement différente. Elles ont elles gèrent leur image d'une manière complètement différente, et aussi elles sont activistes, entre guillemets, de manière totalement différente. Et cette image, justement, elle n'a pas toujours été aussi indépendante et aussi émancipée. Avant Chris Brown, l'image des débuts de Rihanna était une image un peu plus policée. Il y a vraiment eu cet épisode de Chris Brown dont il faut quand même parler. Je ne sais pas si Tristan Lopin a suivi ça, mais... Si, le truc de Chris Brown, après, je pense que il y a vachement de marketing là-dedans. Je pense que de toute façon, quand on prend ce genre de nana... aussi jeune, il y a toujours une bascule où elles ont une image un peu lisse, et puis et après d'un coup on les rend un peu plus sexuelles, et elle a une image plus trash avec le truc de Chris Brown. Mais peut-être préciser pour les éditeurs qui ne connaîtraient pas Rihanna ou qui n'auraient pas suivi sa vie de bout en bout ce qui s'est passé. Bah, en gros, c'était son mec pendant quelques années, et puis il lui tapait sur la gueule, et puis on a eu des photos où elle est vraiment, elle a le visage tuméfié, et c'est sorti dans la presse, et puis ça a été son grand amour, ils sont revenus ensemble, puis en fait non, puis en fait oui. Donc déjà, les gens, ils adorent ça, enfin... Toutes les nanas qui ont marché dans la musique, il y a toujours eu un mec derrière aussi avec lequel ça a été un peu compliqué. Et je pense que ça lui a vachement servi. Enfin, je veux dire, elle s'en est bien servie. C'est un épisode horrible, en tout cas. Tristan, il faut savoir que vous êtes sur France Inter. Là, il y a environ 250 000 mails qui sont en train d'arriver en disant « Quoi ?»

C'était The Monster, le duo d'Eminem et Rihanna. Vous êtes bien sur France Inter, Blockbuster, avec Frédéric Sigrist. Rihanna a beau être un blockbuster de la musique en termes de vente, la terre est vaste et pleine d'êtres humains très différents. Et Rihanna, il y a des gens qui n'aiment pas. J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. Et j'ai notamment un article de Slate dans lequel il est dit à propos de Rihanna, elle a une bonne oreille mais pas de voix ni de présence. En un sens, s'effacer est la chose que Rihanna fait le mieux. Sans même aborder le domaine musical, son identité est floue. On a la pression lancinante que ses vêtements participent dans des proportions indéfendables à la construction de son identité. Rihanna n'a jamais fait les gros titres par ses actions, mais par les actions perpétrées contre elle, vicieusement par son petit ami d'alors, Chris Brown. Les succès de Rihanna la placent en très bonne compagnie, mais elle n'est pas totalement convaincante. Il lui manque la férocité et la présence story d'une Mary J. Blige ou d'une Beyoncé, tout autant que l'air glacial d'une Aaliyah ou d'une Ciara. En bref, Rihanna n'est pas à la hauteur. J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. Voilà ce qu'on pouvait donc lire dans Slate à propos de Rihanna. Et c'est vrai que en préparant cette émission, je me suis rendu compte que médiatiquement, autour d'elle, dès l'instant où elle s'est émancipée, où il y a eu cette affaire avec Chris Brown et où elle est revenue avec des titres beaucoup plus sombres, où elle a commencé à s'afficher aussi plus libérée sexuellement, j'ai eu l'impression que, alors qu'elle s'était, on savait très bien ce qu'elle avait vécu, les médias ont décidé de faire payer cette émancipation en parlant de voilà ces frasques à la Barbade, etc. Il y a notamment toute une vidéo de carnaval où elle danse et on a dit regardez-moi ça, c'est la débauche, etc. C'est décadent. Christian Lepin. Oui, de toute façon, les gens ont toujours bien aimé parler sur les personnalités, sur ce genre, enfin, sur ces nanas-là en plus, encore plus. Et puis Rihanna, elle a eu ce truc aussi où elle a perdu du poids, elle en a pris, et les gens ils aiment bien tacler les nanas là-dessus. Il y a un truc comme ça. Et puis Rihanna, je pense que le fait de se libérer comme ça, de s'afficher, parce qu'elle s'affiche très clairement dans un truc sur Instagram et sur les réseaux de manière générale, c'est quand même une nana qui est très libérée, qui a en fait le regard des autres, elle en a un peu rien à foutre. Et je pense que les gens, il y a un truc un peu dérangeant de voir cette nana sur la plage en train de boire des coups, fumer des grosses clopes avec ses lunettes énormes, avec ses copines autour d'une piscine, sur un yacht. Enfin, il y a un truc un peu indécent. Donc les gens aiment bien ça. Et quand on l'a vu après Chris Brown, il y a un changement d'image qui perturbe un peu les gens. Et souvent, les gens, quand on n'est plus ce qu'ils voudraient qu'on soit, bah, d'un coup, ils flippent, quoi. Ils ont plus le contrôle. Christelle Mirula? Bah, en fait, après l'histoire avec Chris Brown, justement, je pense qu'elle est entrée dans une espèce de star system, en fait, où la presse people a pris en grippe, où c'était vraiment devenu une people, entre guillemets, à part entière. Et justement, après cette histoire-là, elle a un peu lâché du lest. C'est-à-dire qu'elle était un peu plus la Rihanna qu'on connaît aujourd'hui, qui a beaucoup d'autodérision, qui s'en fiche un peu, qui est pas forcément tiré à quatre épingles, etc. Et en plus, comme tu l'as dit, elle a pris du poids, et puis elle en a perdu, et puis elle en a repris. Et ça, elle en a ri, en fait, alors qu'il y avait tous les magazines People qui étaient en train de faire du fat-shaming sur son corps. Elle en riait, elle postait des mèmes sur elle-même sur Internet. Et en fait, je pense que ça dérange vachement de voir une femme qui s'en fiche de ce qu'on dit sur elle, qui plus est une femme noire qui s'en fiche de ce qui est dit sur elle. Et en plus de ça, Rihanna, elle a énormément de puissance, elle en a énormément, et c'est toujours dérangeant, en fait, toujours. Oui, et justement, en fait, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'un peu dramatique dans ces commentaires qui ont pu émerger sur cette artiste, alors qu'en fait on en oublie que c'est une artiste vraiment de talent qui a composé des morceaux qui sont incroyables et encore aujourd'hui. Ouais, mais il y a toujours ce truc à partir du moment où c'est une femme qu'elle assume sa sexualité, qu'elle est un peu à poil, et en fait les gens, à partir du moment où elle est un peu à poil, on a l'impression que du coup en fait elle vend son corps pour vendre son, ses albums, alors qu'en vrai, c'est une musicienne aussi. C'est juste que, bon, bah, c'est pas le premier truc qu'on vend chez Rihanna. Et du coup, d'un coup, quand on voit, enfin, voilà, on a l'impression qu'elle est juste là pour être un objet sexuel, alors qu'en fait, c'est aussi une artiste, quoi. Qui est Miss? Après, honnêtement, je rejoins tout à fait ce que vous dites, et notamment ce que tu dis, Christelle. De toute façon, qu'une femme, qu'elle soit trop habillée, enfin, c'est-à-dire qu'une femme qui est dans l'œil public, quoi qu'il arrive, il va avoir des critiques. Et je pense d'autant plus quand c'est une femme qui, une femme noire qui est dans la pop. Je pense que déjà la pop est un genre musical qui est extrêmement déconsidéré. Donc on considère qu'un peu ça, les gens qui écoutent de la pop, c'est pas de la grande musique. Les gens qui produisent de la pop, bah y a pas vraiment de travail. Donc du coup il y a un peu un entremêlement de ces phénomènes qui font que évidemment Rihanna c'est une starlette. Soit elle est pas convaincante, soit elle est trop convaincante, ou elle est trop sexuelle, soit elle s'exprime pas assez. Enfin, je veux encore parler de Beyoncé, ce qui est dommage dans une émission de Rihanna, mais Beyoncé, on lui reproche tout l'inverse de quelque chose de très contrôlé, de très maîtrisé, etc. Et Rihanna, on lui reproche quoi? D'être une starlette, de pas être assez convaincante, d'être trop sexuelle. Je mets vraiment des... personne ne voit, donc je mets les guillemets. voilà, et ça, je me dis qu'en fait, de toute façon, quand on est une femme dans l'espace public, les gens vont critiquer. Mmh. Et je lisais quelque chose de très intéressant, il faut pas se réduire par peur de toucher l'ego fragile de certains. Voilà. Et vous parliez du rapport particulier qu'on peut avoir vis-à-vis de la pop, justement, des musiques qui font danser. C'est quelque chose de frappant quand on aborde voilà, le sujet de Rihanna ou d'autres stars de la pop, que ça soit une sorte de sous-catégorie, alors qu'en fait, c'est sûrement quand on prépare les émissions, je le vois même auprès des gens à qui que je consulte, tu dis Rihanna, t'as plein de gens qui disent « Oh super, super, j'adore les morceaux !» Et donc en fait, c'est rentré dans les foyers, c'est popularisé et c'est important pour les gens. Comment ça se fait qu'il y a un tel discrédit en termes de narration et même de reconnaissance? Mais justement, je pense que parce que c'est quelque chose de démocratisé et donc qui n'est pas... souvent en plus, ce sont des musiques qui ne sont pas produites à destination des élites. Forcément, c'est pas de la culture, c'est les chansons un peu honteuses qu'on écoute en soirée, etc. etc. Et en fait, le fait, justement, je pense que le fait qu'on en parle, enfin, que d'autres, autant de personnes aiment, c'est négatif pour les personnes qui vont être critiques des cultures populaires en général, je pense. Ouais, et puis je pense que à partir du moment où c'est des artistes qui font parler d'elles autrement que par leur musique à travers des frasques un peu parce qu'elles sont suivies par les tabloïds, etc. À partir du moment où c'est des stars comme ça qui sont exposées, les gens disent Rihanna, Beyoncé, Britney, ouais, bah on la voit dans les magazines, elle est pas connue pour, mais en fait si, à la base elle est connue pour ça. C'est juste que dès qu'on voit les gens dans les magazines, bah ouais, ah ouais, c'est une chanteuse, ouais, lol, bah si en fait, enfin, c'est des chanteuses quoi. Desperado. Sitting in a oh, Monte Carlo. Your brother had a hot spot, God. Take it easy. I'm not trying to go against it. I can be at home or pitch it. Gotta get up out of here, you wanna leave me, bye. I know you won't, cause we share common interest. You need me. Abdella Taïga, qu'est-ce que vous en pensez de ce mépris de classe vis-à-vis de ce qu'on appelle la musique pop? Enfin, ce qui est remarquable avec Rihanna, c'est qu'on a l'impression qu'elle s'en fout complètement de tout ce que vont penser d'elle les critiques en Grande-Bretagne ou bien les critiques branchées ailleurs. Et qu'elle, voilà, tout ça glisse sur elle. Et avec le temps et avec les années, on se rend compte qu'elle s'est imposée à tout le monde. Il y a encore peut-être des élites qui ne la reconnaissent pas, mais à mon avis, ça ne l'arrête pas puisque maintenant elle est avec... avec LVMH, avec Dior, avec voilà tout ce qui peut on imposer à certains, elle le fait. Donc et puis il faut lui reconnaître quand même cela, c'est son éthique de travail. Elle a énormément travaillé, elle a publié pendant 8 ans quasiment un album par année, et donc elle a fait je ne sais combien de numéro 1 aux États-Unis et dans le monde entier. Les petits garçons et les petites filles connaissent par cœur Umbrella et leur parents, leur mère et leur cousine dansent sur Work. Donc voilà. Et puis voilà, elle a réussi à faire cette transition de la petite fille qui vient d'une île exotique, voilà, qui va vous faire une petite chanson. D'ailleurs, le premier album s'appelle Song from the Sun, quelque chose comme ça. Mm-hmm. Voilà, je vais vous donner un côté. Vous êtes en vacances dans les pays Caraïbes. Et ben, elle a dépassé complètement cet exotisme pour créer une image, une successful story qui dépasse en fait. Totalement Beyoncé, en fait, elle a complètement écrasé Beyoncé et tous les autres. Ah, on ouais, c'est l'artiste la plus écoutée numériquement au monde. Hein. Bien sûr, elle est maintenant la chanteuse la plus riche du monde. Il faut bien le préciser. Voilà, ça a été publié. Mais au-delà des chiffres, au-delà des numéros et tout ça, ce qui frappe en elle, c'est quand même c'est qu'elle est beaucoup plus complexe que tout ce qu'on veut faire croire sur elle, le marketing. Je veux bien croire qu'il y a cette histoire de sexualité qui a été mise au devant de la scène et tout ça, mais au fond, quand on écoute ces chansons, il y en a plein qui sont franchement très très très belles et très très voilà, très dark. Russian Roulette, voilà, je vous conseille de l'écouter. Je sais pas moi, il y en a plein. Take a Bow, voilà, on a l'impression qu'elle, tout en étant moderne, tout en étant pour les droits des femmes, tout en étant féministe, elle fait son propre féminisme à elle. Il y a quelque chose d'unique, voilà, qui échappe. Peut-être le fait qu'elle soit une immigrée aux États-Unis, c'est peut-être ça qui fait que peut-être des jeunes filles en France, ou bien au Maroc, ou bien au Ghana, vont s'identifier à elle. Elle n'est pas américanisée, elle n'est pas aseptisée à la façon américaine, si je peux dire. Elle n'est pas née aux États-Unis. Donc il y a quelque chose encore en elle de là-bas. Oui, elle n'est pas afro-américaine. Voilà, elle est de là-bas, de la Barbade. C'est une fille de la Barbade, qui respire la Barbade, et qui arrive à dominer les États-Unis et les autres chanteuses. Et je pense que plein de jeunes filles dans le monde entier, d'ailleurs pas que les jeunes filles, plein de gens voient ça, ce corps qui vient de l'autre côté, on peut le dire, d'ailleurs une immigrée qui arrive à battre les Américains sur leur propre terrain. Il y a quelque chose de cet ordre-là, moi, en tout cas, qui me fascine chez elle, qui fait que je m'intéresse toujours. Qu'est-ce qu'elle va faire, comment elle va y arriver, qu'est-ce qu'elle va écrire, qu'est-ce qu'elle va dire et tout ça, et comment même elle utilise son corps, sa sexualité pour vendre, parce qu'il faut pas oublier que elle est tellement intelligente qu'elle a compris qu'en fait les filles s'identifient tellement à elle, mais pas comme à une star américaine, comme à quelqu'un qui leur ressemble, alors qu'ils vivent encore peut-être au Sénégal ou bien en Éthiopie, et elle leur ressemble de cette façon-là. Qu'elle a créé tout cet empire maintenant de Fenty, le maquillage, oui, tout ça. Le maquillage, c'est-à-dire qu'elle a compris qu'elle est devenue une vraie marque elle-même. Parce qu'il y a plein de gens qui peuvent acheter parce qu'elle se reconnaît en elle de la même manière que ce qu'il vit. Parce que tout le monde, je pense ceux qui s'intéressent à Rihanna savent où est-ce qu'elle a habité en Barbade. La maison, voilà, cette pauvreté. Et donc il y a quelque chose de là qui touche énormément. De Beyoncé, on connaît rien de tout ça. On sait juste qu'elle a été parfaitement entraînée et on a vu ce que ça... c'est une très grande artiste. Puis aussi, l'engagement humanitaire de Rihanna, qui est devenu de plus en plus important ces dernières années. Elle a même été reçue par Emmanuel Macron pour demander des aides à l'éducation au niveau mondial. Et elle a même quand même obtenu 2 millions d'euros de la France quand on sait... Combien de difficile d'obtenir quoi que ce soit de la France. Bon, heureusement que c'est Rihanna qui est allé, quoi. Au début, il voulait donner des médailles, et puis en fait, il s'est dit, bon, je vais quand même donner 2 millions. Ça aide vachement, mon avis, quand même. C'est vrai qu'il y a cet aspect-là aussi de cet engagement très profond chez elle, Christelle Murula. Et on l'a vu évoluer, donc femme d'affaires, désormais très très engagée au niveau humanitaire. On a l'impression, finalement, que ce qui était censé être une carrière basique est un plan très très très pensé en fait, et je rejoins Abdel Attaya là-dessus. Elle sait mener sa barque. Moi, ce que je me demande, c'est si elle n'aurait pas voulu dès le départ être une businesswoman, être une philanthrope quand elle a commencé sa carrière. Parce que aujourd'hui, en fait, enfin en tout cas pour moi, il est impossible de distinguer ce qu'elle est. Je peux pas dire que Rihanna est juste une chanteuse, je peux pas dire qu'elle est actrice, je peux pas dire qu'elle est juste une femme d'affaires ou une philanthrope. En fait, elle est tout ça. Elle est vraiment tout ça. Par exemple, dans la philanthropie, il y a quelques années, elle a reçu un prix de Harvard. C'était la philanthrope de l'année. Enfin, ce qui est quand même un prix assez prestigieux. Et elle s'illustre vachement dans les dons. Par exemple, pendant la crise du coronavirus, elle a donné, je crois, 4 ou 5 millions à la Barbade, justement, pour les aider, pour aider les hôpitaux. Pour les ventilateurs, oui. Voilà. Ouais, elle a fait un partenariat avec la clim. c'est vrai, pour les respirateurs. Il y a cette vidéo d'elle, on la voit, je crois, au Malawi. Avec plein de Malawi, c'est un des pays les plus pauvres au monde, et où elle est dans une école, il y a plein de petits jeunes garçons et filles donc du Malawi, et quand on voit comment elle se comporte avec comment elle danse avec ce côté, comment dire, au-delà du cool, parce que Rihanna, il y a aussi ça chez elle, c'est pas seulement cool, c'est au-delà du cool, et que quand elle est dans une certaine situation, elle sait parfaitement comment laisser peut-être tout le statut de la star derrière elle. Et je sais pas, je vous conseille vraiment de voir cette vidéo où qui va dans le sens voilà de côté philanthropique, mais là tout d'un coup, je sais pas moi, quand j'ai vu cette vidéo, franchement, ça m'a fait pleurer. Il y a quelque chose en fond de très sincère qui revient encore une fois, qui nous ramène encore une fois à ses origines, à la pauvreté qu'elle a connue, parce que ça n'a pas du tout été facile pour elle. Le père était alcoolique, drogué, battait la mère et tout ça. Il y avait la pauvreté. Comme vous le disiez tout à l'heure, elle vendait avec son père des vêtements sur le marché. C'est-à-dire, je sais pas si les gens se rendent compte ce que ça veut dire comme image de la pauvreté et venir de là et devenir la Rihanna qu'on connaît aujourd'hui. Alors dans quelques instants, on va jouer avec un auditeur, mais pour le moment, on va encore écouter Rihanna avec Umbrella. No clouds in my stones. Let it rain, I hide your plane in the bank. Coming down like a Dow Jones. When the clouds come, we gone. We Rockefellers, we fly higher than weather. And G5s are better, you know me. In anticipation for precipitation, stack chips with a rainy day. J, Rain Man is back. With Little Miss Sunshine, Rihanna, where you at? You have my heart, and we'll never be worlds apart. Maybe in magazines, but you still be my star. Baby, cause in the dark, you can't see shiny cars. Stand under my umbrella. C'était Umbrella de Rihanna et maintenant on joue. Blockbuster. Le grappin m'a choisi. Frédéric Sigrist. Adieu mes amis, je vous quitte pour un monde meilleur. Sur France Inter. Et aujourd'hui on a Justine au téléphone. Bonjour Justine. Bonjour à tous. Alors. Bonjour. Tristan qui dit bonjour. Bonjour, parce que je me dis c'est plus poli. Alors Justine, première question, quel est votre titre préféré de Rihanna? Oh là, c'est une question difficile comme première question. Il y en a tellement. Il n'y a rien à gagner à celle-ci, c'est juste ça. C'est la curiosité. Je pense qu'un de mes titres préférés, c'est Love on the Brain. Ah là là, ouais, c'est mon préféré. Et il faut voir, hein, il a mis la main sur le cœur, il est extrêmement touché, Tristan Lopin. C'est vraiment un de mes titres préférés que je me lasserai jamais d'écouter. T'es une belle personne. Bon alors Justine, vous allez devoir répondre à trois questions en 25 secondes chrono. Si vous ne pouvez pas répondre, il n'y a pas de problème, vous avez droit à un joker qui vous permettra d'être aidé par l'invité de votre choix. D'accord. C'est parti. Première question. Quel est le vrai nom de Rihanna? Robin. Eh ben voilà. Vous auriez pu le donner en entier, mais Robin, ça me va. Robin, Rihanna, Fenty. Voilà, c'est très bien. Question suivante. Valérian et la cité des mille planètes de Luc Besson dans lequel joue Rihanna est sorti en 2012, 2017, 2019. 2017. Bonne réponse. J'ai le cœur qui bat la charade. Et enfin, dernière question. Qui accompagne Rihanna dans cet extrait? Now I'm 4 or 5 seconds from Wiley. And we got 3 more days till Friday. I'm trying to make it back home by Monday morning. Justine, une idée? C'est Paul McCartney. Et Kanye West, il me semble. Oh là là là là là là! Justine! Sur ma vie, choquée là! Ah ouais, ouais, ouais. Ah vraiment, là, et puis les deux, hein. Même la guitare, elle l'a reconnue. Mais ça, c'est pas de McCartney, c'est. Ouais, bravo, bravo! Kanye West, hein, le futur président des États-Unis. Voilà. Eh bien, Justine, vous avez gagné un exemplaire du jeu de société Blockbuster sur lequel voilà, j'ai pu travailler durant ce confinement et qui sortira au mois d'octobre. Un partenariat des éditions Radio France et Marabout. Super, merci beaucoup. Voilà, donc on vous fera une petite dédicace. Ah, merci. C'est gentil. Merci Justine. Merci beaucoup. Au revoir. Eh bien, écoutez, c'est la fin de cette émission. Merci à tous et à toutes. Hein. Merci à l'autrice Kiemis, la journaliste Christelle Murula, l'humoriste Tristan Lepin et le romancier Abdel Attaya. Céline Hila a réalisé cette émission. Jeanne Paravert et Sarah Masson l'ont préparée, aidée par Tom Malky, notre stagiaire, et à la technique aujourd'hui, Élise Christophe. Merci. Comme toujours, si vous le désirez, on peut aussi laisser un message au 01 56 40 30 20. Ça fait plaisir. Il y a la page Facebook de l'émission et le Twitter, hashtag BlockbusterFI. Please don't stop the music. Et demain, on change d'horizon, cap sur l'île d'Animal Crossing pour un blockbuster consacré au célèbre jeu vidéo de Nintendo.